ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la photographie au Québec et la place de choix de Montréal dans l'histoire du 8e art. Ça a été reçu par nos prédécesseurs en 1839, l'invention de la photo, d'une façon aussi importante que cet événement de juillet 1969 où l'homme a mis les pieds sur la Lune. Quand arrive l'invention de la photographie au 19e siècle, elle suscite partout le même émerveillement et la même fascination, comme le raconte dans cet extrait l'historien Michel Hébert à l'émission « Il fait toujours beau quelque part » en 1989. Très vite, Montréal et le Québec vont participer d'ailleurs à la naissance de cette histoire de la photographie. L'un des pionniers de la photographie sera le Québécois Pierre-Gustave Joly de Lotbinière. Il va partir de par le monde à la chasse aux images et c'est lui qui nous donnera les premières photos de l'Acropole, par exemple. Très rapidement, Montréal va devenir une ville de photographie avec un très, très grand nombre de studios qui vont venir s'y établir. Il faut attendre 1842, l'année 1842, avant qu'un premier studio au Bas-Canada n'ouvre ses portes. Il s'agit de l'établissement de Frédéric Wise, qui ouvre en novembre 1842 à Québec. Et le chroniqueur du Canadien salue l'ouverture du studio en des termes qui montrent bien comment est-ce qu'on voyait la photographie. C'est une envolée, quasiment. Je vais vous la lire un petit peu. Les habitants de cette ville et des campagnes n'auront plus besoin d'attendre le passage de quelques artistes ambulants pour se faire peindre avec toute la fidélité du miroir le plus fidèle au moyen de l'instrument inventé par le célèbre chimiste français pour dérober au soleil et fixer sur une plaque de métal la fugitive image que ses rayons réfléchissent. Le Canadien, 23 novembre 1842. Bernard Bellot, qui enseigne l'histoire de la photographie à l'émission L'Aventure en 1997, on voit bien, encore une fois dans cet extrait, l'enthousiasme, la fascination que suscite l'invention de la photographie. Pour nous parler de la place que vont occuper le Québec et Montréal dans cette histoire de la photographie, mon invité, l'historien Jean-François Nadeau, journaliste au Journal Le Devoir, amateur de photographie lui-même et auteur du livre, le très beau livre, Les Montréalais, Portrait d'une histoire, un livre qui regroupe en fait une série de photos, de portraits, par lesquels on peut voir et revivre l'histoire de Montréal. Jean-François Nadeau, bonjour. Bonjour. Jean-François, très vite donc, le Québec, Montréal vont s'inscrire dans cette histoire de la photographie. Ça commence quand et dans quel contexte cette histoire-là chez nous? Dès 1839, en France, Arago, qui est un scientifique immensément populaire à l'époque, rencontre M. Daguerre, il connaît cette nouvelle invention, il s'en rend compte à quel point ça va être extraordinaire, en fait part à l'Académie des sciences dans une réunion extraordinaire, et tout de suite, là, dès la fin de l'année 1839, on a une diffusion de cette nouvelle-là sur la planète qui est absolument extraordinaire. Vous vous rendez compte, ici, c'est les révolutions des patriotes de 37-38 qui viennent de venir. Les gars sont en prison, on a l'impression qu'on est dans la gravure et tout. Et là, tout d'un coup, on commence à avoir des images. C'est extraordinaire. Un des premiers, des tout premiers personnages à entrer en contact et à utiliser cet appareil-là, on les appelle des opérateurs, ça va être Pierre-Gustave Joly de Lotbinière, qui est né en Suisse, mais qui est installé au Québec à partir de 1827, qui va partir, photographier le Moyen-Orient, photographier la Grèce, photographier les pyramides. C'est la première personne au monde à faire ça. Hélas, on a perdu ses plaques. Ah bon? Parce que pour lui, ça n'avait pas tellement d'importance comme à l'époque. Pour les autres photographes du genre, on ne parlait pas de photos d'ailleurs, on parlait de vues. Et l'objectif de ça, c'était quoi? C'était de favoriser un peu un ascendant sur le dessin. Mm-hmm. Hein? Ces vues vont servir, elles vont être publiées. On en connaît au moins les représentations grâce à des gravures publiées en 1842. Ces grandes plaques de verre qu'il avait utilisées, qu'il transportait à dos de chameau, par exemple, en Égypte. C'est des procédés qui sont très complexes à l'époque hein, pour faire des photos. C'est du matériel qui est très, très lourd. On utilise des vapeurs de mercure pour révéler l'image est extrêmement toxique et surtout, on n'a aucune compréhension très précise, en tout cas, de la sensibilité de la matière. On pense que c'est l'objet lui-même qui accorde une sensibilité particulière à la plaque. Donc, c'est l'objet devant vous qui influencerait la lumière. Ça montre à quel point c'est encore nouveau, à quel point cette façon qu'on a, même chez ceux, ces pionniers qui pratiquent la photo, ils ne savent pas trop. Là. Et c'est vraiment révolutionnaire, même pour ces gens qui en font de la photo. photo. Oui, il faut lire le fascinant voyage qu'il a fait parce que ça a été colligé dans un récit qui a été publié seulement en 2010 hein, à l'initiative de Georges Aubin, qui est un chercheur formidable, qui est remarquable. Et on apprend beaucoup de choses sur l'histoire de la photographie mondiale dans ces carnets de voyage qui traînaient dans les archives pendant tout ce temps-là sans que personne y ait vraiment accordé d'attention. Et ce nom-là, donc, c'est un nom qu'on retrouve dans tous les ouvrages qui traitent d'histoire de la photographie, celui de Pierre-Gustave Joly de Lotbinière. Montréal, donc, est dans le coup avec lui. Le Québec est dans le coup très vite. Montréal devient aussi très vite une ville de photographie. De nombreux studios sont ouverts à Montréal. De nombreux Américains viennent s'installer ici. Pourquoi, Jean-François Nadeau? Parce que Louis Daguerre, donc celui qui s'attribue l'invention de la photographie, ce qui n'est pas exactement le cas, c'est Nicéphore Niépce qui avait déjà anticipé un peu le procédé. Il y avait eu une association avec lui. C'est lui qui va développer des nouveaux procédés. Mais c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires extraordinaire. Il va envoyer des émissaires très rapidement aux États-Unis. L'invention fait sensation absolument partout. Et on a des Américains qui, parmi les premiers, vont, d'après ce qu'on comprend, parce que l'histoire de la photographie au Québec est à écrire dans une large mesure encore, ce qui n'est pas le cas, par exemple, l'histoire de la photographie aux États-Unis ou en France ou dans d'autres pays, en Angleterre, par exemple. Il y a beaucoup à trouver encore, à chercher, à colliger. Mais on comprend qu'il y a beaucoup d'Américains qui vont franchir la frontière parce que c'est un marché au nord qui s'offre. Alors on présente... Montréal est une grande ville à l'époque. Montréal est une capitale, hein. Ouais. C'est pas rien du tout. C'est une grande ville. C'est d'une ville coloniale absolument importante pour l'Empire britannique. On y vient. Il y a des gens qui se déplacent. Et l'idée que on puisse fixer ce qu'on voit autrement dans un miroir, fixer le reflet, est quelque chose d'absolument inouï qui est possible. Donc il va apparaître à la place d'armes à Montréal un certain nombre de photographes qui vont avoir pignon sur rue, qui vont s'annoncer et un des premiers photographes est une femme. Ça, c'est extraordinaire. En 1841, l'extrait de l'archive qu'on entendait tout à l'heure de Bernard Bellot parle de 1842. On peut penser que avant ça, il y en a déjà. En 1841, donc, il y a une certaine Madame Fletcher qui s'installe, qui se présente comme professeure et enseignante de l'art photogénique, qui est un terme qu'employait un autre prédécesseur de la photographie, Fox Talbot. Elle parle de la perfection de ce que l'imagination peut concevoir. Ça a quelque chose de formidable. Ils font quoi? Des photos de famille, essentiellement, ces Américains qui débarquent à Montréal? Ils font des portraits. Évidemment, de ces photos-là, il doit y en avoir qui nous restent aujourd'hui dans des archives. C'est extrêmement difficile de les identifier, qui les a fait, à quel moment exact, dans quelles conditions, qui ça représente. C'est pas toujours facile à trouver. Donc, probablement qu'on peut identifier à Montréal plus facilement des photographies de personnages de Montréal ou des Canadiens à partir de 1850. Donc, il y a un intervalle où le flou est encore assez important. Ouais. Parmi ces pionniers de la photographie à Montréal, une figure marquante, incontournable, celle de William Notman. En fait, le succès de Notman, parce que véritablement, il y a des... Moi, je dis trois grandes qualités. C'était un artiste, Notman. Il adorait les arts et il était convaincu dès le début que la photographie était un art. Il pouvait le pratiquer comme un art. C'était un homme d'affaires. Il avait le sens du marketing, de la mise en marché, des connexions, de l'entre-gens. Ça devait être un homme extrêmement sympathique. Et c'était aussi un homme très organisé. Parce que ça, les deux premières qualités, il pouvait les avoir, mais avoir été un peu bordélique. Lui, il nous a entre autres laissé 50 ans de son studio parfaitement bien organisé, numéroté, enregistré. On a le nom sur chaque négatif. Je veux dire, on prend une photographie, là, la 350 millième, ben on sait que c'est Madame une telle, puis c'est à telle date. Hélène Sanson, conservatrice de la photographie au Musée McCord de Montréal, ce fameux flou dont vous parliez il y a un instant, Jean-François Nadeau, il disparaît avec William Notman. Il va être très, très important. Quelle importance va avoir Notman dans l'histoire de notre photographie? Une immense importance, et pas juste au Québec, en Amérique du Nord, puisqu'il va y avoir plusieurs studios Notman qui sont répartis un peu partout au Canada, puis en partie aux États-Unis aussi, puisqu'il envoie des photographes travailler un peu partout aussi. C'est quelqu'un qui, très tôt, il est arrivé d'Écosse, il n'est pas le seul photographe du tout, mais il est celui qui est majeur. Il devient très célèbre en photographiant de façon très complexe, dans des plaques qui sont immenses et très difficiles à manœuvrer. Il photographie la merveille du monde que constitue le pont Victoria à l'époque. Et il se fait connaître grâce à ça. Il va envoyer dans de très beaux coffres de bois ces série de photos à la royauté en Angleterre, ce qui lui vaut de devenir le photographe, un photographe officiel de Sa Majesté la Reine Victoria, oui. Titre dont il eut. C'est un photographe colonial. Hein. Il participe à toutes les grandes expositions coloniales. Il a une volonté d'édifier un sentiment national avec sa photographie. Quand on considère aujourd'hui, par exemple, Photoshop, là, il y aurait toute une réflexion à faire là-dessus dont on n'a pas le temps d'entrer là-dedans, mais il l'utilise, par exemple, il va buriner des négatifs très, très finement. Pour lui, c'est pas tant la représentation qui l'intéresse que l'idée qu'il se fait du personnage qu'il tente de transmettre par la photographie. Une forme d'expression, plus oui. qu'une simple représentation mécanique. Oui, il diffuse même auprès des gens qui viennent se faire photographier auprès de lui un petit dépliant dans lequel il dit « Ne me demandez pas de vous photographier selon la pose déjà vue pour monsieur un tel. Hein. » C'est un art, oui. c'est une façon d'exprimer quelque chose et ça va jusqu'au point de vouloir changer, de changer le négatif. Pour lui, la neige est extrêmement importante. Et avant les grands studios d'Hollywood ou Cinecittà en Italie où on recrée toutes sortes d'effets spéciaux, pour lui, recréer la neige, c'est vouloir implanter, par exemple, l'idée que la neige, le froid est constitutif d'un nouveau sentiment national qu'il est important d'assurer par la diffusion de la photographie. Il construit une identité, là, lui, nationale, avec sa photographie. Complètement. Ouais. Bon, les studios, il y a celui-là qui va être très, très important, celui de Notman à Montréal, mais il y en aura vraiment des dizaines. Dans tous les quartiers de Montréal, il y a des studios de photos. Au milieu de cette activité fébrile, une particularité, je suis assez curieux de vous entendre là-dessus, la photographie de mort, Jean-François Nadeau. Oui, c'est une pratique très victorienne. En fait, c'est une pratique qui consiste à une époque où on n'a pas de représentation facilement à être photographié. C'est un événement. On se prépare, on s'endimanche, on respecte les consignes données par le photographe. Et lorsqu'un enfant vient à mourir ou un proche, très souvent, on n'a pas de photographie de ces gens-là au moment du décès. Alors, on a fabriqué des reposoirs qui leur permettent de tenir bien droit, de donner l'illusion qu'ils sont toujours vivants. On les place dans des mises en scène auprès des vivants à l'occasion. Par exemple, l'enfant mort auprès de sa mère dans une posture qui laisse entendre qu'il dort, ce qui n'est pas le cas, on le sait. Des photographes s'affichent publiquement en disant on fait des photos de mariage, mais on fait aussi des photographies de mort. Et c'est quelque chose qui va durer pendant très, très longtemps. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de morbide là-dedans, mais vous seriez surpris au moment où, au 20e siècle, la photographie devient plus personnelle, ou avec le Polaroid, ou avec les films, on peut développer soi-même. Ces pratiques de photographie mortuaire reviennent. Ont continué pendant très, très longtemps. C'est juste qu'elles ont été ramenées à l'intimité la plus grande, de sorte qu'elles ont quitté la sphère public et ça nous apparaît beaucoup plus rare aujourd'hui qu'évidemment des gens qui s'affichaient publiquement en disant « Nous photographions les morts ». Bon, ben, les plus grands en arrière, là, puis les enfants, ramenez-vous donc par en avant. C'est ça. Non, toi, t'es trop grand, là. C'est ça. Ramène. Allez, souffle-toi un petit peu. Laisse la place, laisse la place. C'est en haut, là. Prenez-vous donc par l'épaule. C'est ça. Quand je vous dis « bougez plus », vous bougez plus. Hein? Attention, il ne faut plus bouger pendant 8 secondes. Attention. Merci beaucoup tout le monde. Okay, boys, what are you waiting for? Time's up. Let's move it. Come on now. Extrait du film J.A. Martin, photographe, grand film, réalisé par Jean Baudin en 1977. Et ça nous amène à parler, Jean-François Nadeau, de ces photographes ambulants. C'est le cas de J.A. Martin, photographe. Est-ce qu'il y en aura beaucoup? À quoi ressemblent leurs pratiques et leur vie? Oui, dans la suite de la guerre de sécession américaine, il y a ce qu'on appelle le collodion qui apparaît. C'est un procédé qui est très délicat où on enduit une plaque de verre d'un liquide qui est très filamenteux, le collodion. Et c'est ça que ces gens-là transportent dans leurs charrettes. Ils se promènent de village en village. Et on va voir avec l'étude assez récente tout de même des photographes de village qu'il y a beaucoup de ces photographes qui sont là. Dans les cantons de l'Est, il va y en avoir plusieurs aussi. Donc, c'est pas une fabulation bien sûr, de Jean Baudin dans son film de 1977, film formidable. C'est quelque chose qui existe. Et on a cette impression de figé, là, hein, qui se traduit des gens qui sourient pas, qui ont l'air austère. C'est des photographies, des fois, qu'on trouve aujourd'hui dans des ventes de garage, ouais. sur des plaques de métal, des tintype, comme on les appelle à l'époque. Donc, c'est toute cette époque-là de la fin du 19e siècle. Les gens sourient pas. Pourquoi? On a souvent dit que c'est parce qu'il y avait l'impossibilité de bouger et que l'appareil était pas assez rapide pour capturer le mouvement. C'est vrai, mais c'est c'est vrai en partie seulement. Ça tient aussi au fait aux soins dentaires. Hein? Ah bon? Et à une vieille... On ne veut pas sourire. On ne peut pas sourire. Souvent, les dents sont très abîmées, elles ne sont pas montrables. Et aussi, dans l'histoire de l'art, l'idée de sourire, ça nous envoie à l'idée qu'on est un sot, un simple d'esprit, très souvent, ou une femme de mœurs, disons, légères. Hein? Ouais. C'est ça le sourire qui est dans la tradition picturale. On ne veut pas avoir ça. Il faut attendre les années 20, pratiquement après la Première Guerre mondiale, l'apparition des soins dentaires, mais aussi du cinéma d'Hollywood qui valorise le sourire étincelant pour que, là, enfin, les photos avec des sourires nous apparaissent, ce qui nous semble invraisemblable aujourd'hui. Toutes les photos, on nous demande de sourire. C'est une pratique très récente. Vous parliez des années 20. Les années 20, c'est aussi le développement de la technologie, l'arrivée d'appareils compacts. Ça va avoir un impact important, entre autres, sur tous ces métiers de photojournaliste, de photographe pigiste. On commence à pouvoir se promener plus facilement, plus aisément avec des appareils photo. Il y a un cas intéressant pour parler de cette période, de ces photographes pigistes, de ces photojournalistes, Corrad Poirier. Oui, Corrad Poirier, qui est un cas extraordinaire. C'est le grand photographe de rue de Montréal de ces années-là. On avait valorisé avec des appareils sur trépied auparavant, avec des accordéons qui sont très complexes, des plaques de verre, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est difficile de se saisir d'instantané de la vie de tous les jours, mais c'est surtout que ça ne nous intéresse pas. Il n'y a pas dans les origines de la photographie beaucoup d'images qui représentent des quartiers pauvres ou la vie des gens ordinaires. C'est un médium qui est tourné vers les gens qui en ont les moyens, qui est encore quelque chose d'assez confortable. On a de grandes maisons et tout. Et là, tout d'un coup, le développement d'appareils plus légers, l'invention par en Allemagne du petit Leica qui utilise le même film à bobine perforée que les films qu'on utilise pour le cinéma, où on a tout d'un coup la possibilité d'avoir 36 vues, 36 vignettes avec soi. C'est énorme par rapport à la possibilité d'en avoir une seule sur une plaque de verre, par exemple. Alors, on va voir des photographes comme celui de comme Corrad Poirier apparaître. Corrad Poirier a fait des dizaines de milliers de photographies. Il vend ses services pour des journaux parce que c'est le développement de la presse aussi. Les rotatives permettent de développer une diffusion de la photographie que Notman, dont on a parlé tout à l'heure, permet aussi de faire ça. C'est lui qui développe parmi les premiers procédés pour qu'on puisse reproduire sur du papier des photographies simplement en mettant des points, des trames. Hein? Alors, Poirier, on va le voir dans la Revue Populaire, dans la Gazette, La Patrie, dans Photojournal, dans la presse. Il travaille en solitaire. C'est peut-être lui qui a saisi le plus dans cette période-là, dans les années 30, dans les années 40, l'âme de Montréal, de cette ville. Et ça, c'est très, très utile pour l'historien que vous êtes. Cette facilité maintenant de se déplacer, ça crée des documents historiques. La photo, c'est ça aussi, documenter l'époque, l'histoire. On parlait de Notman, on parlait de son importance. C'était lui le grand roi des studios de Montréal. Dans l'entre-deux-guerres, il y a une nouvelle figure qui apparaît, qui devient un peu une vedette de la photographie. Il s'agit de Gaby, qui justement va faire beaucoup sa réputation en photographiant des gens célèbres. Oui, c'est le pendant canadien-français de Youssouf Karch, qui est le grand photographe qui a fait Churchill, qui est installé à Ottawa. Gabriel Desmarais dit Gaby va ouvrir des studios, on va le trouver en Europe où il travaille, il va photographier aussi bien Jean Cocteau que Hergé ou des vedettes, des stars hollywoodiennes, puisqu'il va être à Los Angeles aussi. Son œuvre est considérable, il fait tous les ministres, tous les députés. C'est le photographe quand Jean Drapeau invite le général de Gaulle en 67, c'est lui qui est là. Il est omniprésent comme portraitiste. Donc c'est la grande tradition un peu de la photographie Notman qui se poursuit d'une certaine façon à travers son travail, comme à travers celui de Karch. C'est deux traditions qui se touchent à un moment donné, puisque dans la même période, dans les années 60, se développent des photographes qui sont tournés davantage vers le côté populaire, qui font des séries, qui tentent de comprendre, comme Claire Beaugrand-Champagne, la structure sociale, un milieu, un quartier. Et ça, c'est une nouvelle réalité aussi de la photographie qui se dessine. Et la nouvelle réalité de la photographie aussi de ces années 60-70, c'est la grande démocratisation. Tout le monde s'intéresse à la photo, veut faire de la photo. Puis on cherche des modèles. Et parmi ces modèles, Antoine Désilet, qu'on écoute à l'émission aujourd'hui, en 1967. La photographie, c'est un langage universel, ça, sans contredit. Moi, si je fais une photo ici demain, ici même à Montréal, si elle est suffisamment bonne, si elle peut se passer de légende, de commentaires, quoi que ce soit, vous l'envoyez en Russie ou en Chine ou au Japon, elle devrait être comprise. Il faut que les gens se la comprennent telle qu'elle est. Hein, parce que c'est un langage, c'est quelque chose qui a été dit par le médium d'une caméra. Hein? La photographie, langage universel, un langage écrit avec une caméra, dit Antoine Desilets dans cet extrait. Comment décrire le travail de Desilets, Jean-François Nadeau? Ben, Desilets est un passionné. On a l'impression, à cause de ses ouvrages qui s'intéressent beaucoup à la technique, ce qu'il dévalorise auprès de certains confrères qui croient qu'il n'en a que pour la diffusion de ça, alors que ce n'est pas le cas. Mais des ouvrages qui marcheront beaucoup parce que les gens font de la photo, veulent apprendre. Oui. Là, il y a beaucoup d'appareils qui apparaissent dans les années 60. On peut en acheter pour pas cher. Puis les gens ont l'impression que c'est dans l'objectif, dans l'appareil, dans la mécanique que se trouve la photographie. Ouais. C'est encore le cas aujourd'hui, alors que c'est pas vrai du tout. Ouais. C'est un rapport entre l'œil, l'esprit du photographe et la réalité. Donc, il y a plus de l'œil du photographe dans la photo que le contraire. Et Desilets comprend ça très bien, mais il comprend aussi que la mécanique lui permet de vivre. Ouais. La photo, aujourd'hui, Jean-François Nadeau, qu'est-ce qu'elle devient? Il y a surabondance d'images. Cette photo dont on parle depuis une vingtaine de minutes, elle devient quoi dans ce monde où il y a tellement, certains diraient tellement trop d'images? La photo, c'est vraiment devenu un rite social. C'est-à-dire qu'on peut pas envisager notre existence au quotidien, visiblement, dans l'humanité qui est la nôtre, enfin, dans cette partie de l'humanité où nous vivons, sans la représenter, sans se représenter, sans se donner à voir et se donner aux autres par une image. On estime à 9000 nouvelles photos qui paraissent chaque seconde, par exemple, sur Snapchat, hein, par seconde. 350 millions de photos sont téléchargées sur Facebook chaque jour. On est à la hauteur d'à peu près 660 milliards de photos par année. Alors, comment distinguer un photographe de toutes sortes de gens qui considèrent qu'ils sont photographes? C'est devenu, d'une certaine façon, non pas seulement la production d'un passé qu'on voit à travers la photo. Hein, la photo a toujours été un marqueur du passé, mais c'est devenu une actualité permanente. Ouais. Nos photos disparaissent à mesure qu'on les produit. En fait, ce n'est plus un document, une trace d'histoire. On publie, on est à l'ère de la publication, on consomme tout de suite la photo par voie électronique, très rarement tirée sur papier, puis elle disparaît, cette photo-là. Oui. Ou à peu près. Tout à fait. Et l'erreur, c'est certainement de croire qu'une photo, une vraie photo, continue de tenir à ce qu'il y a devant l'objectif. Hein. Il faudrait absolument revoir ça, mais je pense que c'est pas perdu dans la mesure où il y a une attention de plus en plus grande à la photo. Au moment où elle semble se déliter, ou au moment où une abondance de photographies semble apparaître, apparaissent des musées, apparaissent des ouvrages, et il y a une curiosité à l'égard de la photographie qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire auparavant. On s'intéresse même aux archives photographiques des journaux. Le nouveau centre de la photographie, le nouveau musée de la photographie à Ottawa a présenté une belle exposition autour des archives du Globe and Mail. Oui. Donc, il y a là toutes sortes de nouvelles perspectives sur la photographie qui nous permettent d'envisager encore de belles années pour ce médium. Jean-François Nadeau, historien, journaliste au Journal Le Devoir, grand amoureux de la photo. Merci infiniment, Jean-François. Merci, Jean. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.